بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنحن مع الدرس السابع في منهج الأنبياء، فيه الحكمة والعقل للشيخ العلامة الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وعافاه وشافاه وأطال عمره في طاعة الله عز وجل، وفي الدفاع والدب عن هذا المنهج السلفي الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى للبشرية. فهنا الله عز وجل سي نوتخ سيتيام كور اوتور دو ليتود دو سو ليفر دو سون ايمينونس شيخ ربيع حفظه الله تعالى، كي دون لو تيتر اي لا ميثودولوجي دو لا دعوة دي بروفيت عليه الصلاة والسلام. اي دون سيت ميثودولوجي du prophète alayhi salatu wasalam, il y a la raison et la sagesse. Et que Allah subhanahu wa ta'ala guérisse Cheikh Rabi' et qu'il prolonge sa vie dans l'obéissance à Allah et dans la défense de cette voie que Allah subhanahu wa ta'ala a agréée. يقول الشيخ حفظه الله تعالى وقد بينت أن حاكمية الله بهذه السعة وهذا الشمول في كتاب الذي أقدم له، انظر فيه صفحة 130 وما بعدها وصفحة 196 من هذه الطبعة. ولا يفوتني أن أنبه على خطأ وقع فيه صاحب كتاب ميزان الاعتدال لتقييم كتاب المورد الزلال في التنبيه على أخطاء الضلال عصام بن محمد بن طاهر البرقاوي، حيث نسب إلي شيئا لم أقله في لحظة من اللحظات بلساني، ولم أعتقده لحظة من اللحظات بجناني، ولم يسطر منه حرفا قلمي وبناني، وأعوذ بالله مما قال، وأبرأ إلى الله منه، وأسأل الله أن يعصمني منه ويعصم منه جميع المسلمين. الذي حفظه الله تعالى que j'ai donné des éclaircissements sur le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur la hakimiyya d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans mon livre, et que la hakimiyya d'Allah subhanahu wa ta'ala est très vaste. Hein? Et il a dit dans ce livre, j'en ai donné le plus grand des éclaircissements. Il faut voir pour cela la page 133 et les pages qui suivent dans ce livre, et la page aussi 196 de cette édition, c'est-à-dire la deuxième édition du livre qui a été faite aux Émirats et en l'an 2000. Il dit Hafidhahullah Ta'ala, ici j'attire l'attention sur l'erreur dans laquelle est tombé l'écrivain du livre, la balance de l'équité dans le fait d'analyser le livre « Le Mawrid Zulal » qui attire l'attention sur les erreurs qu'il y a dans « Zilal ». « Le Mawrid Zulal », C'est le premier livre qui a été écrit par Al-Hafidh Abdullah Dawish Rahimahullah dans la critique de, où il montre les erreurs de Sayyid Qutb dans son interprétation du Coran, Al-Dhilal. Et ce Mizan al-I'tidal, il est écrit par Issam ibn Muhammad ibn Tahir al-Barqawi. Vous savez qui c'est Issam ibn Muhammad ibn Tahir al-Barqawi? C'est celui qu'on appelle alias al-Maqdisi sur les salons d'Yel Tkfir. Avant, quand il écrivait ses livres, il écrivait avec son vrai nom. Maintenant, il a pris le pseudo d'Yel Maqdisi. Et donc, ce Barqawi, comme dit Cheikh ici, qui est alias al-Maqdisi, il dit, Cheikh, il dit, al-Maqdisi, al-Barqawi hada m'a attribué des choses que je n'ai jamais dit. À aucun instant de ma vie, j'ai prononcé ces choses avec ma langue, ni je croyais ces choses un laps de temps avec mon cœur, ni mon crayon, ni mes doigts ont crié de telles choses qu'il m'attribue. Et je cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et je me désavoue de tout ce qu'il m'a attribué cet homme, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il me protège et qu'il protège tous les musulmans. فهنا الله عز وجل فهذا كتاب المورد الزلال هذا الكتاب للحافظ عبد الله الدويش رحمه الله وهذا من العلماء المعاصرين الذي كان يحفظ الكتب الستة وفي آخر حياته عكف على مسند الإمام أحمد فهنا الله عز وجل ce livre dont il s'agit ici que البرقاوي n'a pas aimé et qu'il refute, c'est-à-dire Ali al-Maqdisi, refute ce livre d'Al-Hafid, c'est un des livres qui a été écrit par le mémorisateur Al-Hafid Abdullah Dawish, rahimahullah, qui est un contemporain, qui est mort à la fleur de son âge, à peine arrivé à l'âge de 40 ans. Et ce Hafid, qui est Abdullah Dawish, mémorisait les 6 livres de la Sunna par cœur. Et à la fin de sa vie, il s'est penché sur le musnad de l'imam Ahmed. Qu'Allah le couvre de sa sainte miséricorde. Et c'est le Hafid, Abdullah Dawish, rahimahullah, lahu nasibun min qawli nabiyina sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Man sanna fil islam sunnatan hasanatan, falahu ajruha, wa ajru man amila biha, la yinqusu dhalika min ujurihim shay'an. لأنه أول من نبى على أخطاء الظلال. Donc الحافظ عبد الله الدويش رحمه الله et que الله سبحانه وتعالى le couvre de sa sainte miséricorde a la part de cette, a une grande part de cette parole du prophète عليه السلام qui a dit celui qui ouvre une voie dans l'islam, qui fait une bonne sunna dans l'islam, il a sa récompense, il a récompense de ceux qui l'ont mis en application, sans diminuer de leur récompense. Parce que c'est le premier qui a attiré l'attention sur les erreurs d'Yel Sayyid Qutb dans son interprétation d'Yel Qur'an Dhilal. Et هذا البرقاوي, أحد هؤلاء الحركيين, ما عجبه هذا الكتاب, فكتب كتابا كتابه المسمى ميزان الاعتدال, يرد فيه على الحافظ عبد الله الدويش. وفي الطريق مر بكذبه على من مر بكذبه على الشيخ ربيع حفظه الله تعالى زاعما الدفاع والمحاكمة بين الشيخ ربيع والمودودي فخرنا الله عز وجل البرقاوي هذا الياس المقدسي إلى l'une des grandes têtes des activistes et le livre ديال الحافظ رحمه الله تعالى dans la critique d'il y a le livre d'il y a Dhilal et les erreurs qu'il y a dans Dhilal de Sayyid Qutb, n'a pas plu al-Maqdisi hada al-Barqawi, alias al-Maqdisi. Et al-Barqawi hada, dont son nom vous l'entendez souvent, al-Maqdisi, hein, c'est l'une des têtes des activistes actuellement sur le terrain. Et ce livre, évidemment, de l'Hafid ne lui a pas plu. Il a écrit un livre, Zama, soi-disant, pour répliquer al-Hafid, Abdullah Dawish, et son livre, il l'a appelé Mizan al-I'tidal. Et sur son chemin, il a émis des mensonges sur qui? Sur Cheikh Rabi', prétendant défendre ou juger entre Cheikh Rabi' et le Maududi. وفي كلام هذا البرقاوي لم يذكر كلام المودودي وإنما كان يضرب ويتوقع وستسمعون كلام المودودي. Donc, et sur son chemin, هذا البرقاوي, il a monté sur qui? Il a monté sur Cheikh Rabi' dans son livre Mise à l'Ihtidal, prétendant qu'il défend ou là qu'il juge entre Cheikh Rabi' et le Maududi. Et évidemment, il n'a pas cité les paroles d'El Maududi, mais tout simplement, il donnait du coup à Cheikh Rabi', il se préservait, comme vous allez, et vous allez entendre les paroles d'El Maududi que cite Cheikh Rabi', hafidhahullah ta'ala. وطبعا البرقاوي هذا تكفير جلد وقطبي وممن لهم الزعامة في نشر أفكار سيد قطب وهو الذي استعار اسم المقدسي الذي يعرف به الآن في الأوساط الحركية كما تسمعونه في مواقع هذا صالح ديزناف والموحدون وأنصار التوحيد تسمعون كثيرا من هذا الاسم المقدسي المقدسي فهو البرقاوي. Et donc, naturellement, le Barqawi, c'est un tekfiri pur et dur. Et c'est un Qutbi. Et là, il est au devant de la scène. Et il a une grande part dans la propagation des idées de Sayyid Qutb. Et bien sûr, il s'est pris ces dernières années, il a pris le nom de Al-Maqdisi, au lieu de son vrai nom, le Barqawi. Et c'est avec ce terme, le Maqdisi, avec lequel qu'il est connu dans le milieu des activistes. Et c'est ainsi, hein? Quand vous entendez Salah 19 et ceux qui sont dans le salon Ansar Tawhid et tous les salons d'Yel Tkfiri, ils citent plutôt le nom d'Yel Maqdisi. Pas c'est le nom hein, par lequel le Barqawi est connu dans le milieu des activistes. Et من هنا تعلم أخ الإسلام أن الشيخ ربيع عندما يتكلم عن الجماعات لا يتكلم عن زحل وعن المريخ. وهذه الجماعات والأحزاب أخ الإسلام التي صورها الصاوي كالكليات في الجامعة الواحدة يعني بذلك كما قلت سابقا أن كل واحدة تؤدي دورا معينا وبعضها يبدع الآخر بل يكفره لكن عندما يواجهون السلفية وعلماء السلفية تجدهم كما يقال يرمونها عن قوس واحدة فهذا مثل أهل الباطل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى فاليهود والنصارى مختلفون إلى فرق ولكن عندما يواجهون الإسلام يتآلفون بينهم فالواقع أكبر دليل على ذلك انظروا إلى العراق وانظروا إلى أفغانستان وهؤلاء الأحباش يكفرون أئمة الإسلام الألباني وابن باز والعتيمين فماذا يفعل كذلك في صالون صلاح ديزناف وأنصار التوحيد وغيره أليس يرمون بالتكفير علماء هذه الأمة فان الله عز وجل partant de là tu sais que Cheikh Rabi' حفظه الله تعالى quand il parle de ces groupes il avertit contre ces groupes il te parle pas de Jupiter ni de Neptune que ces groupes et ces partis comme hein, venaient le faire croire Salah Sawi sont comme des facultés dans la même université, c'est-à-dire que chacune a un rôle à remplir et qu'ils vont tous vers le même but. Ceci est faux. Et on voit sur le terrain que ces groupes hein, se rendent innovateurs les uns les autres, ils se rendent mécréants les uns les autres. Mais quand il s'agit de leur adversité vis-à-vis de la Salafia, ben ils se mettent tous d'accord. Attirer la salafia, comme on dit, d'une seule arc et d'une seule flèche. Comme les gens du faux et du blâmable, tu crois, qu'ils sont unis, mais leurs cœurs sont dispersés. Les juifs, les chrétiens sont différents, ils sont dispersés à plusieurs groupes, mais quand ils ont hein, l'ennemi, leur ennemi en face, l'islam, ils se mettent, ils s'unissent. Hein? Ils mettent la main dans la main. Et ce que nous vivons, ce que vit la communauté actuellement, est une des grandes épreuves. L'Irak, l'Afghanistan, etc. Et quand tu vois l'Ahbash, Qu'est-ce qu'ils font? Ils rendent mes crayons quoi? Qui? Les grands savants de l'islam, l'Albani, Ibn Baz, l'Uthaymine. Et qu'est-ce qu'ils font dans le salon de Salah 19 et de Ansar Tawhid et ainsi de suite? Ils font la même chose, Akhal Islam. Tu vois? كذلك أخ الإسلام تنبه لهذا الأمر إنه يغلط كثير من الناس عندما يحصلون الدعوة السلفية دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع هذه الدعوات الحزبية وهذا خلط للحق بالباطل وهذا البعض يقصد هذا الخلط لأغراض معينة كما يفعل الإعلام الأوروبي والأمريكي والإعلام العلماني في الدول الإسلامية وبعضهم يفعله عن جهل إيش سي في تخيز أتنسيون وعليكم السلام ورحمة الله فتخيز أتنسيون Frère en Allah, Azzawajal, car beaucoup de gens tombent dans cette erreur. Quand ils disent, hein, quand ils mettent à pied d'égalité la da'wa salafia avec les autres da'wat des autres partis. Et ça, c'est mélanger le vrai au faux. Et certains font exprès de faire cette mixture pour des buts bien précis. Et c'est ainsi qu'agissent aussi les médias européens et américains et certains médias laïcs dans certains pays musulmans. Et certains le font par ignorance. فالدعوة السلفية هي دعوة الأنبياء ودعوة خاتمهم وهي دعوة الصحابة والتابعين والأئمة المعتبرين وهي دعوة الحق. كيف تحشر مع هذه الدعوات المخالفة للكتاب والسنة؟ ومنهج سلف هذه الأمة هذا خلط للحق بالباطل ومن التلبيس على الشباب ساش فخيرون الله عز وجل كل دعوة سلفية إلى دعوة دي بخوفت عليهم الصلاة والسلام إلى دعوة دي ديغني دي ميساج عليهم الصلاة والسلام إسي إلى دعوة دي كومبانيون محمد عليه الصلاة والسلام إيه دي لوغ سكسيسور إيه دي زيمام دي غران زيمام دو سيت كومينوتي إسي إلى دعوة دي لا فيريتي كومون أون لا مي دون لو ميم ساك أفيك les da'wat avec ces formes de da'wa qui sont en divergence entre elles et qui sont en divergence avec le livre d'Allah, l'authentique de la sunna du prophète et la voix du plusieurs d'Allah alayhi. Ceci, c'est une mixture dans laquelle on mixe le vrai avec le faux. Et ceci, évidemment, rend la situation hein, très floue et ambiguë pour la jeunesse. لأنه إخوة الإسلام إذا قلنا الدعوة الفلانية والدعوة الفلانية والدعوة السلفية أين الحق؟ ما هي الدعوة الصحيحة؟ باسكو فخيرنا الله عز وجل سي أون دي تيل دعوة ولا لا دعوة دي فخير مزلمون لا دعوة ديال كذا ديال التبليغ لا دعوة ديال الياسينية لا دعوة ديال السلفية يوم ميتو دون ميم ساك ويلي لا فيغيتي دون سي كالا ويلي لا دعوة دو لا فيغيتي ويلي لا دعوة أوثنتيك وهذا الخلط يلبس على الناس وعلى الشباب ويوهم أن الدعوة السلفية من وضع البشر كهذه الدعوات. Et ceci, cette mixture, frère en Allah, Sawajal, cette façon de mélanger le vrai avec le faux déguise les situations pour la jeunesse musulmane et donne l'illusion comme quoi la da'wa salafia est une da'wa qui a été créée par les humains, comme c'est ces mouvements qui existent comme les mouvements de Tabligh et le mouvement de l'Ikhwan et ainsi de suite لكن إخوة الإسلام الدعوة السلفية وضعها رب العزة وهو الذي وضع هذا المنهج وارتضاه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وقال عز وجل لكي يبين لنا السبيل الذي يجب أن يتبع والمنهج الذي ارتضاه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وأمر الله سبحانه وتعالى أنبياءه أن يتبعوا هذا السبيل وصار عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه الكرام بعده والتابعين لهم بإحسان والأئمة الأعلام والعلماء إلى يوم الناس هذا أن الله عز وجل كنت لدعوة سلفية ستين دعوة كي لجفغ من الله سبحانه وتعالى Et c'est une dawa dont les jalons et dont les règles sont instaurés min Allah. Et c'est la voie, la seule voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Il est dit dans le verset, et les premiers parmi ceux qui ont quitté la Mecque, le Muhajiroun, et parmi l'Ansar, leurs alliés de Médine, et ceux qui les suivent à la perfection. Regarde ici, et ceux qui les suivent à la perfection, ils suivent qui? Ils suivent les compagnons de Mohammed alayhi wa sallam. Hada la voie du puiseur d'Allah alayhim. Regardez comment il est. Qu'est-ce qu'ils ont? Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, et au moins ils agréent Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve? Donc pour avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut être sur la voie des nobles compagnons de Mohammed alayhi wa sallam et de ceux qui les suivent à la perfection. Il est dit dans l'autre verset, pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous montre encore plus, il nous donne plus d'éclaircissement sur cette voie, et celui qui prend un autre chemin que le chemin du messager, hein, après avoir eu la preuve, et qui suit un autre chemin que le chemin des croyants. Regardez, le chemin des croyants ici, c'est qui? Ce sont les compagnons de Mohammed alayhi wa sallam et ceux qui les suivent à la perfection. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à tous ses prophètes d'être sur cette voie. Parce que la voie d'Yel Salafiyah, comme dit Cheikh Ubaid, et les hommes de science avant lui, hein, c'est la voie avec laquelle est arrivé Adam et tous les prophètes et tous les messagers jusqu'à la fin des temps. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à ses prophètes de suivre cette voie. Et c'est sûr, et le dernier des prophètes, alayhi salam, ainsi que ses nobles compagnons et leurs successeurs, et ceux qui les suivent à la perfection, et les grands imams de cette communauté, et les grands savants jusqu'à nos jours. Fahadi da'watu akhal islam, laysat min wad'i Ilyas, ou min wad'i Hassan al-Banna, ou min wad'i Sayyid Qutb, ou min wad'i al-Mawdoudi, أو من وضع محمد سرور أو من وضع عبد السلام ياسين أو من وضع عبد الله الحبشي الهرري أو من وضع طارق رمضان أو كويسان أو قسطيط أو غيرهم شاش فرون الله عز وجل كسي الدعوة على دعوة سلافية n'a pas été instauré par Ilyas, le fondateur du groupe du Jamaat Tabligh, ou par Hassan al-Banna, le fondateur d'Ikhwa al-Muslimin, ou par Sayyid Qutb, celui qui a jeté les jalons de la Qutbiyya, ou par le Moudoudi, celui qui a créé le Jamaat Islamiyah là-bas au Pakistan, ou là par Mohamed Sorour qui a créé la Sororia, ou par Abd Islam Yassine qui a créé au Maroc l'Yassinite, ou par Abdullah al-Habashi al-Harari qui a créé au Liban le groupe d'Yel Habash, ou là par Tariq Ramadan, ou là par Kwisen au nord de la France, ou là par Kstit en Belgique ou autre. فعندما إخوة الإسلام يدخلون الدعوة السلفية بين هذه الدعوات يسيئون إساءة بالغة ويلبسون تلبيسا شديدا ويصير الشباب في حيرة كما ترون حاله وقاله أين الحق ومع من الحق يتساءل الشباب ونتفرغنا الله عز وجل لما تدون منسك La da'wa salafia, avec les autres da'awat, les frères musulmans, Tabligh et autres, ils font un grand mal. Et un mal énorme. Ils déguisent la situation d'un grand déguisement. Et la jeunesse tombe dans une grande hésitation. Il ne sait plus, il tombe dans un flou total. Il ne sait plus où il est la vérité. Et tu vois les jeunes, leurs yeux te disent, de leurs yeux tu sens, où il est la vérité? Avec qui est la vérité? ولماذا كل هذه الحيرة إخوة الإسلام من أسباب هذه الحيرة إخوة الإسلام هذا الخلط بين الحق والباطل فخذ مثلا رؤوس الدعوة في بلجيكا في بروكسل في مركزهم يستضيفون الجفري يستضيفون عائد القرني عدنان عرعور طارق رمضان واللائحة طويلة انظر هذا الخلط ويقولون أنهم سلفيين وبعد هذا تريد من الشباب الذين يسمعون إلى دعاة بروكسل أن يميزوا أن لهم ذلك فهذا أمر لا بد من التنبيه عليه وكذلك الشيخ البشير في ضواحي بارز يستضيف عائد القرني وتريد من الشباب أن يميز كيف يميز الشباب يقول الله عز وجل Pourquoi que la situation elle est floue chez les jeunes maintenant? Et pourquoi cette hésitation, c'est la jeunesse? L'une des grandes causes de cette hésitation, c'est le fait que certains mélangent la vérité avec le faux. Prends par exemple les têtes d'El Dawa à Bruxelles en Belgique. Dans leur centre, ils ont invité le Jeffrey, ils ont invité Aïd Al-Qarni, ils invitent Adnan Al-Aour, ils invitent Tariq Ramadan, ils invitent plein d'autres comme cela. Regarde cette mixture. Ils disent qu'ils sont salafis. Et après ça, tu veux que la jeunesse qui écoute ces duats de Bruxelles fasse la part des choses et puisse faire la différence entre le vrai et le faux? Comment tu veux qu'ils le fassent alors qu'on l'a jeté dans des ambiguïtés? Il en est de même pour Cheikh El-Bachir quand il a invité à Paris Aïd El-Karni. Comment vous voulez que maintenant la jeunesse puisse faire la part des choses? وهذا إخوة الإسلام يذكرنا بمذهب قديم في الأسماء والصفات وهو مذهب المفوضة. طبعا هنا المقصود بالمفوضة مفوضة معاني الأسماء والصفات للذين يفوضون الكيفية، لأن تفويض الكيف هذا حق وهو مذهب سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. السلاف خيرنا الله عز وجل nous rappelle une vieille voix. Une vieille voix dont les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la voix de ceux qui délèguent le sens des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui délèguent le nom, le sens des noms et des attributs. Et non ceux qui délèguent le comment des attributs. Car le fait de déléguer le comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est la voix de nos plusieurs d'Allah alayhim. فمفوضة المعاني لا يعرفون الحق يقولون نفوض هذه المسائل كلها لا ندري الحق مع السلف أم الحق مع المعتزلة أم مع الأشاعرة ما ندري نفوض المعاني لله ما ندري ما المراد بالرحمن بالرحمن على العرش استوى ما ندري مع من الحق ces gens qui délèguent le sens des noms et des attributs ils ne connaissent pas la vérité. Ils disent dans ces cas-là, à ce sujet-là, on délègue la signification des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne sait pas avec qui il est la vérité. Est-ce que la vérité est avec Salaf, ou il est avec le Mu'tazila, ou il est avec l'Ashari'a? On ne sait pas. Donc on délègue le sens des attributs à Allah azza wa jal. On ne sait pas ce que ça veut dire, Ar-Rahman s'est établi sur son trône. On ne sait pas avec qui la vérité. Qala Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. في هذا الصنف أي في مفوضة المعاني إنه من شر أهل البدع لأن مذهبهم قائم على تجهيل السلف والمبتدعة ما فرحوا بمذهب مثل ما فرحوا بمذهب المفوضة هذا فالمبتدعة يعتبرون المفوضة بأنهم لا يعرفون الحق. شيخ الإسلام ابن تيمية pour cette catégorie d'innovateurs il a dit ça ce sont les pires innovateurs car leur voix s'accomplit sur le fait de rendre ignorant Salaf Ardouallah alayhim. Et le Mubtadi'a se réjouissent d'une voix pareille. Ils étaient réjouis de la voix de ceux qui délèguent le sens des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les innovateurs considèrent ceux qui délaissent le sens des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala comme quoi c'est des ignorants, ils ne connaissent pas la vérité. فيواجهونهم أنتم يا مفوض جهال بأنفسكم ونحن حرفنا الحق بعقولنا وأفهامنا ووصلنا إلى التأويل الذي هو في الحقيقة هو التحريف. فالمفوض للمعاني لا يستطيع أن يجادل المؤولة والمحرفة كيف يمكنه مجادلتهم وهو بنفسه لا يدري ولا يعلم. دونك Et quand les Mubtadi'a, quand l'Asha'ira, le Maturidiyya, le Mu'tazila, ils font face, ils tombent sur quelqu'un qui délègue le sens des noms et des attributs, le sens des noms et des attributs d'Allah, il dit, toi qui délègue, tu es un ignorant fini. Nous avons connu la vérité avec notre raison, avec notre compréhension. Ils nous sont arrivés à cette interprétation. Bien sûr. Cette fausse interprétation à laquelle ils sont venus. Donc celui qui délègue le sens des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas polémiquer ni ramener de preuves en face de quelqu'un qui déforme les sens. Comment il peut le faire alors qu'il ne connaît pas, il ne sait pas, il dit moi je délègue le sens des noms et des attributs. أما المعتزلي والماتريدي والأشعري فيستطيع كسر المفوض للمعاني. ومن هنا جاء عن شيخ الإسلام وغيره أن مذهب المفوضة من أشر المذاهب. كنت معتزلي تي وما تريدي تي وشعري تي وطخ إلي كاباب دو كاسي لزو دو كيلكان كي ديليغ لسنس دي نون إي دي زاتريبي Et partant de là, est arrivé dans la parole du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et d'autres hommes de science, que la voix de ceux qui délèguent le sens des noms et des attributs est la pire des voix. فهؤلاء الذين يقولون اليوم الإخوانية القطبية السلفية التبليغية السرورية الياسينية الحبشية طلائعية كل هذه جماعات دعوية هؤلاء كمفوضة المعاني جهال فإن الحق إذن إذا كنتم تذكرون الدعوة الحق الدعوة الصحيحة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام مع هذه الدعوات الباطلة ضاع الحق في هذا الكلام فهنا الله عز وجل Alhamdoulilah, il t'a paru que ceux qui aujourd'hui disent que l'Ikhwaniya, il a Qutbiya, il a Salafiya, il a Tbliriya, il a Sururiya, il est Yassinite, il est Ahbash, et Tala'iya, et tous ces groupes qui existent, ce sont des groupes de da'wa. Ceux-là, ils sont comme ceux qui délèguent le sens des noms et des attributs. C'est des ignorants. Donc, dans ces cas-là, où est la vérité? Si la da'wa Salafiya, elle est dans le même sac que Tbliriya, que l'Ikhwaniya, que l'Qutbiya, où est la vérité? إذا كنتم تذكرون الدعوة الحق بين هذه الدعوات الباطلة ضاع الحق في هذا الكلام لأن الشباب المسلم يسأل ما هي الدعوة الصحيحة القائمة على المنهج الصحيح القائمة على الكتاب والسنة ومنهج سلف هذه الأمة Donc si vous êtes en train de dire que hein, vous mélangez toutes les da'awat et vous dites que ils sont tous bons, où est la دعوة de la vérité Hein? Et quand vous dites que la da'wa salafia, c'est la même chose que tibliriya, etc., vous la mélangez au faux, vous la mettez au pied d'égalité avec le faux, dans ces cas-là, la vérité est perdue. Et la jeunesse musulmane pose la question, où est la da'wa authentique? Où est la da'wa authentique qui s'accomplit sur la voie authentique, qui s'accomplit sur le livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète, alayhi wa sallam, et la voie du puiseur d'Allah, alayhi. فعلى كلام هؤلاء الذين يخلطون بين المناهج الموجودة في الساحة الساحة خالية من الدعوة الصحيحة لما؟ لأنهم يقولون الإخوانية كالسلفية كالتبليغية كالسرورية كالقطبية فأين دعوة الحق؟ أين الدعوة الصحيحة؟ Donc, en suivant les paroles, les raisonnements de ceux qui mélangent entre les voies de la da'wa qui existe sur le terrain, cela veut dire que la da'wa qui appelle vers la vérité n'existe pas. Parce qu'ils disent que l'Ikhwaniya et Salafiya, c'est la même chose. Tbliriya et Salafiya, c'est la même chose. Sururiya et Salafiya, c'est la même chose. L'Qutbiya et Salafiya, c'est la même chose. Donc dans ces cas-là, où est la vérité? Où est la da'wa véridique? Wa Rasuluna sallallahu alayhi wa sallam a qal, La tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqq zahirin. La yadurruhum man khalafahum wa la man khadalahum. Wa hum ala dhalika hatta ya'ti amrullah. فهؤلاء الذين يخلطون هذا الخلط هل يشعرون بخطورة خلطهم وأثاره على الشباب؟ Alors que notre prophète عليه الصلاة والسلام a dit restera toujours une fraction de ma communauté sur la vérité, peu importe ceux qui sont en divergence avec eux, ou peu importe ceux qui veulent les dévier de cette vérité et qui veulent les induire en erreur, ils resteront sur cette situation jusqu'à la fin des temps. Et cela, ils mélangent, ils font cette mixture. Est-ce que ceux qui font cette mixture entre le bien et le faux sentent le danger de leur mixture et l'impact qu'il a sur la jeunesse musulmane? فعندما قال الشيخ حفظه الله تعالى في مقدمة هذه الدعوات المنحرفة والأحزاب والجماعات فهذا استفسار مهم وفي محله لما؟ لكي لا تختلط الأوراق ويضيع الشباب ولكي تتبين الأمور البيان الكافي والشافي وكي لا تترك الأمور هكذا ويترك الشباب فريسة بدون وقاية من هذا الانحراف فهون الله عز وجل كون شيخ ربيع عديد dans cette introduction dans les passages de cette introduction que nous avons lu auparavant quand il a dit ces da'awat diviées et ces partis et ces groupes dans le style d'une question. En posant une question, cette question était à sa place. Pourquoi? Pour que les cartes ne se mélangent pas. Et pour que ne soit pas perdue la jeunesse musulmane. et pour que les situations deviennent plus claires et qu'on ne laisse pas les jeunes comme ça en proie sans qu'ils soient préservés de l'égarement. Hein? Cher veut attirer notre attention pour qu'on prenne des choses pour nous immuniser contre les idées propagées par ces groupes et ces fausses idées avec lesquelles ils induisent en erreur. فالخلط وعدم البيان هو الذي جعل الشباب ينحرفون وجعلهم لا يميزون بين الحق والباطل وبين الدعوة الصحيحة والدعوات الباطلة. Le fait de mélanger le bien et le faux, le fait de ne pas éclairer la communauté sur le bien, c'est ce qui a fait que la jeunesse dévie et qu'il n'arrive pas à faire la part des choses entre le faux et le vrai. Il n'arrive pas à faire la part des choses entre les da'wa, la da'wa authentique et ces da'wat fausses. فيجب أن نتنبه إخوة الإسلام فترون كيف عم الانحراف والاضطراب وطمع وحتى ممن كان يرجى أن يأخذوا بأيدي إخوانهم بعد دراستهم في الجامعة الإسلامية ورجعوا إلى فرنسا وبلجيكا خاصة أولهم يعد جماعة الإخوان من الجماعات الدعوية وآخرون هذه الأيام في شتى مناطق فرنسا يلبسون الأمور ويلبسون على إخوانهم الذين لا علم لهم ويلبسون عليهم في قضية القرضاوي يقولون لهم أهل العلم أخذوا من ابن حجر والنووي وعندهم أخطاء فكذلك نحن نأخذ من القرضاوي ومن كتبه انظر هذا التلبيس وهذا الخطر ابن حجر والنووي خدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل العلم بينوا أخطاءهم واتفقوا على كبر مكانتهم العلمية أما القرضاوي فهو يرد السنة بعقله ويحارب السلفية ويبيح الربا وأكثر من ذلك حتى أن بعضهم للتلبيس على الشباب جمع بين فتاوى عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله المفتي العام للمملكة الآن وفتاوى القرضاوي وعندما رآها بعض الشباب قالوا المفتي عبد العزيز آل الشيخ له فتاوى مع القرضاوي انظروا إلى أي مدى وصلت الخلط والتلبيس فالحذر الحذر إخوة الإسلام فهذا خطر عظيم يداهمنا خون الله عز وجل Il faut faire très attention. Vous voyez que l'innovation a pignon sur rue maintenant. Et qu'il y a un déluge d'ambiguïté qui tombe sur la jeunesse. Même de ceux qu'auparavant on espérait qu'ils vont prendre sous leur tutelle, leurs frères, après avoir étudié à Médine, après avoir étudié dans une université islamiques, ils sont revenus en France et en Belgique en particulier. Et ceux-là considèrent celui qui a leur tête, qui est revenu le premier vers la Belgique, considère que le groupe d'Ikhwan Muflisin fait partie d'un groupe d'Al-Da'wa. Et certains qui viennent de quitter Médine il y a 2 ans maintenant commencent à déguiser la situation encore plus grave. Ils déguisent, ils jettent des ambiguïtés dans l'esprit de leurs frères qui n'ont pas de science. Et surtout, ils leur déguisent la situation, ils leur donnent des ambiguïtés sur le sujet d'Al-Qardawi. Ils leur disent, les hommes de science ont pris la science d'Ibn Hajar et de l'imam Nawawi, alors qu'ils ont des erreurs. Nous aussi, on peut prendre de l'Qardawi et des livres d'Al-Qardawi. Regardez ce déguisement. Regardez comment, où est-ce qu'on va. Regardez ce mélange. Comment on peut comparer Al-Qardawi à Ibn Hajar et Nawawi? Nawawi et l'imam Ibn Hajar ont travaillé, ont voué leur vie au service de la sunna. C'est vrai qu'ils sont tombés dans certaines erreurs, mais les hommes de science nous ont éclairé, nous ont montré leurs erreurs. Mais les hommes de science sont unanimes sur l'importance et la valeur scientifique de l'imam Nawawi et l'imam Ibn Hajar. Quant à Al-Qardawi, lui, il rejette la sunna avec sa raison. Il combat la salafia, il autorise le riba. Et autre catastrophe. Et regardez jusqu'où est allé Le fait de mélanger le bien et le faux pour déguiser et induire la jeunesse en erreur, certains ont fait une compilation de fatwa du mufti actuel, Cheikh Abdelaziz, Al-Sheikh et Idoul Qardaoui. Et quand certains jeunes en France ici ont vu ce livre, oui, fatwa, et en bas dessus, il y a marqué Cheikh Abdelaziz, Al-Sheikh et Cheikh Al-Qardaoui. Et ils, regardez, et ce jeune, il a dit, ah, bah, Cheikh Abdelaziz, Al-Sheikh et Al-Qardaoui, on dit fatwa ensemble. Regardez comment on déguise la situation. Faire très attention, frère, en Allah Azza wa Jal. La situation est dangereuse. Il y a un grand danger qui est en train d'avancer vers nous. Il faut faire très attention. Ne vous faites pas avoir. Soyez vigilants. Soyez vigilants quand vous avez des doutes. Alhamdulillah, maintenant, vous avez cherché l'habit, vous avez cherché Abdul Malik Ramadani. Même si vous ne parlez pas arabe, vous pouvez appeler l'un des deux. Hein? Et ils vont vous sortir et vous éclairer. Et ne vous faites pas avoir par qui que ce soit. Au moment qu'il vient vous mélanger les situations, il vient vous mélanger le vrai avec le faux. Attention, faites attention, frère en Allah, Azza wa Jal. Hein? Le voyant est rouge dans ces cas-là. Retournez-vous vers qui de droit? Vers les hommes de science dignes du nom. وسمع احد كبار رموز في درس مسجل يقول من دعا احدا ان يكون تبليغيا يستتاب والا تضرب عنقه ومن دعا احدا ان يكون اخوانيا يستتاب والا تضرب عنقه ومن دعا احدا من الناس ان يكون سروريا يستتاب والا تضرب عنقه ومن دعا احدا ان يكون سلفيا يستتاب والا تضرب عنقه سمعتم هذا الخلط وهذا من الرموز وهذا طبعا كلام باطل من وجهين الوجه الأول خلط الأوراق وحشر الدعوة الصحيحة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الدعوات الباطلة وهذا يجب أن نتنبه له ثانيا من من الأئمة أفتى هذا المسكين أن من دعا أحدا إلى كذا وكذا تضرب عنقه من أين جاء بهذا الحكم فهذا حكم يحتاج أن يرجع فيه إلى كبار أهل العلم. Donc on a entendu dans un cours enregistré de l'une des affiches de ces da'wat qui existent sur le terrain, qui disait dans son cours, celui qui appelle quelqu'un à être tablighi, on lui demande de se repentir, sinon on lui coupe la tête. Et celui qui demande à quelqu'un d'être ikhwani, on lui demande de se repentir, sinon on lui coupe la tête. Celui qui demande à quelqu'un d'être sorori, on lui demande de se repentir, sinon on lui coupe la tête. Et celui qui demande à quelqu'un d'être salafi, on lui demande de se repentir, sinon on lui coupe la tête. Tu as entendu cette mixture? Et ça, celui qui l'a dit, c'est l'une des grandes têtes d'affiche. Et ça, évidemment, c'est une parole fausse et non avenante. Et il est fausse de deux cas de figure. Le premier cas, c'est le mélange des cartes. Et le fait d'avoir mis la da'wa salafia au milieu des fausses da'wat, au milieu de ces faux mouvements et de ces fausses voies de la da'wa. Et il faut faire très attention à ça. Il ne faut pas que ça se passe comme ça. Deuxièmement, qui parmi les grands imams t'a donné le verdict pour que quand quelqu'un il appelle quelqu'un pour être bléré ou l'être kada, il faut lui couper la tête. D'où tu ramènes cette sentence? Et ça, c'est une sentence qui a besoin qu'on revienne vers les grands hommes de science. أما أن يأتي رمز من رموز الانحراف ويجازف بهذا الكلام فهذا شيء عجيب والمقصود على كل حال أنك تسمع هذا الخلط والتخليط وسط الدعاة والرموز دعوة إخوانية دعوة تبليغية دعوة سلفية وفي المقدمة سمعتم أنهم زعموا نون لسوسيال خير من الله عز وجل دو pourquoi une des têtes d'affiche de ces voix de la da'wa égarée de la voix qui ont dévié de la voix du puiseur d'Allah alim et mettent ce genre de truc hein? Ceci est une situation étonnante. Surtout quand il s'agit d'un docteur qui a étudié dans un milieu où il n'y a que des hommes de science et qui a étudié chez les grands savants. Et Je veux attirer ton attention, frère en Allah, Azzawajal, hein? Tu entends, quand tu entends cette mixture, et cette mixture existe dans le milieu de la da'wa maintenant, et dans certains, et chez certains du'at, ils disent la da'wa ikhwaniya c'est une da'wa, la da'wa tablighiya est une da'wa, la da'wa salafiya c'est une da'wa. Il faut faire très attention à ça, frère en Allah, Azzawajal. Hein? وفي هذه المقدمة سمعتم كذلك أنهم زعموا بأن الشيخ ربيع يفصل بين الدين والدولة وهذا إخوة الإسلام أمر عظيم إن فيه رمي للشيخ ربيع بالعلمانية وهذا إفك عظيم في حق هذا العالم الرباني وفيه سوء فهم لما كتبه ولكن لهوى النفوس سريرة لا تعلمي. Donc, frère en Allah, Azzawajal, vous avez, il est passé avec nous dans cette introduction, comme quoi ils prétendent aussi, ils insinuent que Cheikh Rabih fait la séparation de la religion et de l'État. Et quelque part ici, ils sont en train de critiquer, de dire que Cheikh Rabih est un laïc. Et ceci est un énorme mensonge au sujet de ce noble homme de science. Et une mauvaise compréhension de ce qu'il a écrit. Que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Mais quand les passions invitent quelqu'un, qu'est-ce que vous voulez? Fama wujida mundu fajr al-islam, alim min ulama al-muslimin, al-mustaqimin ala al-manhaj al-rabbani, kash-shaykh Rabi' yaqulu bi fasl al-din 'an ad-dawla, fa hadha kalam batil wa ifkun mubin. Jamais dans l'histoire du monde musulman, depuis l'aube de l'islam jusqu'à aujourd'hui, s'est trouvé un homme de science, digne du nom, qui est sur la voie de ses puiseurs, d'Allah alim. Comme Cheikh Rabi', qui fait la séparation de l'État et de la religion. Ceci est une parole non avenante, est un énorme mensonge. فكتاب منهج الأنبياء لم يرق لهؤلاء الحزبيين لأنه لم يجاريهم في الترحيب بدولة الروافض. قد مر معنا عدة مرات كيف رحبت جماعة الإخوان المفلسون وكل هذه الجماعات الموجودة بدولة الخميني لما قام بثورته المشؤومة وموقفهم منها حيث أيدوها وباركوها وكتاب الشيخ ربيع لم يجاري هؤلاء الحركيين على إقامة دويلات قبورية وطبعا الإخوان المفلسون لا يعتنون بالعقيدة ولا يقيمون لها وزنا وهذه الجماعات المختلفة المخالفة للكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة كلها. On Allah Azza wa Jal, hein, le livre de Cheikh Rabi', La voix du prophète alayhi salam dans la da'wa, n'a pas été dans le sens de ses hizbis et de ses activistes, hein, et de ses activistes quand ils ont accueilli l'état des Rafida au moment de la révolution islamique. Comme il est passé à plusieurs reprises avec nous, les frères musulmans ont applaudi, ont félicité le Khomeini et son état. Et tous ces groupes qui existent ont accueilli avec réjouissance l'état d'El Khomeini quand il a accompli cette Torah, cette révolution, hein? Cette mauvaise révolution, hein? Et leur position. Tout le monde sait leur position. Ils ont tous été les alliés d'El Khomeini de sa révolution. Ils l'ont béni. Et le livre d'El Cheikh Rabi' n'a pas été dans leur sens. Il a été dans le sens contraire. Il leur a montré la réalité. Kitab ou Cheikh Rabi', Lam yujari haoula il harakiyin. Le livre d'Yel Cheikh Rabi', Menhaj al-Anbiya, n'a pas été dans leur sens. À accomplir des états dans lesquels on adore les tombes. Et naturellement, l'Ikhwa al-Muflisoun et le Jama'at al-Islamiyya, comme celle du Maududi, ne s'occupent pas de l'Aqida. Ils ne donnent pas l'importance à l'Aqida. Et tous ces groupes qui sont sur le terrain, ils ont pas, ils donnent pas l'importance à l'aqida. Ils sont en divergence entre eux. Ils sont en divergence avec le livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète alayhi salam et la voix du puiseur d'Allah alayhim. Wa kitab al-shaykh lam yujarihim fi iqamat dawlat adafat ala ad-dalalat as-sabiqa al-ilmaniyya. Wa lawanatha bi lawn al-islam. Wa qala ba'dhum yajuzu fi ad-dawlat al-islamiyya أن يبدل المسلم دينه ويدخل في النصرانية. وهذا قاله كبيرهم ترابي عندما وصل إلى السلطة وقال يجوز للنصراني أن يتجوز المسلمة وهذا باطل وهذه أحكام تشبه أحكام العلمانيين أدخلوها في زعمهم في الدولة الإسلامية باسم المساواة. وهذه علمانية محضة. فان الله عز وجل لو ليفر دو الشيخ ربيع n'a pas été dans leur sens aussi dans l'accomplissement hein, et dans le fait et dans l'accueil de cet état qui s'est accompli au Soudan et qui a rajouté à beaucoup d'égarements la laïcité et il lui a donné une couleur islamique. Et celui qui était à la tête de cet état qui est Turab, il disait, il est permis dans le pays islamique que le musulman change sa religion et rentre dans le christianisme. Il l'a dit au moment où il était au pouvoir. Il disait qu'il était permis aux chrétiens de se marier avec une musulmane, tout en restant chrétien. Et ceci est faux. Et ça, ça ressemble aux lois de la laïcité et aux lois des laïcs, qui est l'égalité. Hein? Et ils émissaient ce genre de sentence dans, soi-disant, hein, l'État islamique, sous l'égide et sous le pouvoir de Turabi. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a débarrassé nos frères du Soudan de ce, de cette, hein, de cet égaré. Ne t'étonne pas, Turabi, hein, a fait ses études à la Sorbonne, hein, ne t'étonne pas de ça. Et aussi Tariq Ramadan, quand il y a une dizaine d'années, sur les ondes de France, hein, France Inter, il a dit hein, que le musulman a le droit aussi de se convertir au christianisme. Beaucoup de nos frères l'ont écouté, l'ont entendu à cette époque sur les ondes de cette radio. C'est la même école à l'islam. Fahadi balaya al-ikhwan. Fahkam wa akwal la tu'raf illa an banu ilman. Yatakallamu bina biha wa yiz'umuna annahum yuriduna إقامة الدولة الإسلامية وتذكروا الطوام التي قالها كبيرهم ومفكرهم ومنظرهم الأعظم القرضاوي وما أدراكم ما القرضاوي في ترجمة على البابا يوم الجمعة وأنه يعرف عنه الإخلاص وأنه وطبعا بإجماع أهل وترحم عليه ودعا له وطبعا بإجماع أهل العلم المعتمد المعتد إجماعهم لا يجوز الترحم على كافر فانظر لهذه الضلالات والعلمانية التي يدخل هؤلاء في المجتمعات الإسلامية كون الله عز وجل ça ce sont les catastrophes de l'Ikhwan des sentences des paroles qui ne sont connues de Banu Ilman, que de Banu Ilman c'est-à-dire ne sont connues que des enfants de la laïcité ceux-là ils parlent avec les mêmes paroles que ces laïcs Et ils prétendent qu'ils veulent accomplir un État islamique. Et rappelez-vous les grandes catastrophes qu'a dites le grand penseur et le théoricien par excellence de l'Ikhwan al-Muslimin qui est le Qardawi. Et quelle personne que c'est le Qardawi. Quand il a fait la tarjama du pape, la biographie du pape, et qu'est-ce qu'il n'a pas fait comme éloge du Qardawi et comme quoi le pape, Il a la sincérité, qu'il a fait beaucoup de choses pour l'humanité, que Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'il soit dans la balance de ses actes, etc. Hein? Et naturellement, le consensus des hommes de science qui sont considérés, hein? Et dont le consensus est considéré, qu'il n'est pas permis de faire du dua pour un kafir. Regardez maintenant ces égarements. Et cette laïcité qu'on est en train de rentrer dans, les communautés musulmanes dans l'esprit islamique, soi-disant, sur l'étiquette de quoi ? L'égalité, le moussawa. Comprenez ce que se trame autour de vous, frère en Allah Azza wa Jal. Le Cheikh Rabi' ma urifa anna anhu annahu yafsilu bayna ad-dawlati wad-din wa ala ayyin fa inna ad-dawlata ma hiya illa wasilatun fi tanzim shu'un al-umma wa iqamati al-masalih التي لا تستقيم حياة البشر إلا بها. فرعون الله عز وجل jamais il a été connu du Cheikh Rabi' comme quoi il fait la séparation de l'État et de la religion. Et de toute façon, l'État n'est qu'un moyen pour organiser la vie de la communauté et pour accomplir les intérêts de cette communauté et pour accomplir le bien de l'humanité et des gens. ولكن الغاية هي عبادة الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومنهج الأنبياء قام على الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك إخوة الإسلام. Et mais le but principal, c'est le fait d'adorer Allah, de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est dit dans le verset, je n'ai créé les génies et les humains que pour m'adorer. Et la voix du prophète alayhi salatu salam s'est accomplie sur l'appel vers le monothéisme et le fait d'interdire l'associationnisme. والأنبياء كانوا كما وصفهم رب العزة مبشرين ومنذرين وما كانوا يصارعون أهل الدنيا على دنياهم ولم يكونوا يسعون أبدا إلى الانقلابات والثورات على الحكومات بل كان أمام كثير منهم الفرصة السانحة للوصول إلى الملك ولم يفعل. هون الله عز وجل لبروفيت الله صنكم الله سبحانه وتعالى les a décrits des annonciateurs et des avertisseurs. Ils ne sont pas venus pour concurrencer les gens de ce bas monde pour leur bas monde. Ils ne cherchaient pas le pouvoir. Ils ne complotaient pas pour les révolutions, pour renverser les gouverneurs et avoir leur place. Ils n'étaient pas envoyés pour faire des révolutions. Et l'occasion était devant beaucoup parmi eux de prendre le pouvoir, il ne l'a pas fait. ومن أوضح الأدلة على هذا قصة موسى عليه السلام وكل المسلمين يعرفون قصته بقي يدعو فرعون وقومه إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك حتى أنقذ الله موسى ومن معه من هذا الطاغية وأغرق الله فرعون وجنوده في البحر فهنا لو كان موسى يريد الملك والحكم فهذه الفرصة أمامه فلم يبق في مصر إلا النساء والأطفال والشيوخ والخدم والعبيد ومصر بلاد كما وصفها رب العزة كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. Il fait partie des grandes preuves très claires comme quoi les prophètes ne sont pas venus pour concurrencer et pour prendre le pouvoir, l'histoire de Moussa alayhi salam. Tous les musulmans connaissent l'histoire de Moussa alayhi salatu salam. Il est resté combien de temps à appeler Pharaon et son peuple vers le monothéisme et à leur interdire l'associationnisme jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé Moussa et ceux qui sont avec lui de ce tyran. Et Allah subhanahu wa ta'ala a englouti sous le Pharaon et son armée dans la mer. Et ici, réfléchis frère en Allah azza wa jalla. Si Moussa voulait le pouvoir, l'occasion est devant lui. Il reste en Égypte. Que les femmes, les enfants, les vieillards, les serviteurs. Et l'Égypte, comme l'a décrit Allah, subhanahu wa ta'ala, était un pays fertile, un pays dans lequel il y avait beaucoup de biens. Il est dit dans le verset, combien de jardins et de sources et de cultures et de nobles places ils ont laissé derrière eux. Il faut réfléchir à ça. Quand on lit l'histoire du prophète alayhi salatu salam, il faut prendre la leçon comme il se doit, comme l'ont pris nos puzzers d'Allah alayhim, non comme les conteurs d'histoire. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a conté, c'est pas pour. Il était une voix pour endormir les enfants. La akhal islam, c'est pour prendre la leçon et pour prendre en considération le pourquoi et le comment de l'envoi du messager alayhi salatu salam. فمصر في ذلك الوقت أخ الإسلام كانت مشهورة بالزرع والنيل بلاد الخيرات فلو كان موسى يصارع فرعون على الكرسي لرجع أدراجه إلى مصر لأنه لا يوجد أحد في مصر يقف في طريقه ولو وجد الأمر ممهدا له لكي يتسلم عرش مصر ولكنه لم يفعل وبدل ذلك اتجه موسى بقومه إلى سيناء صحراء فيها جبال جرداء لا زرع فيها ولا ماء حتى كان الماء بمن الله عز وجل ينبع لهم من تحت الحجر وأنزل الله عليهم المن والسلوى لأنه لا أكل عندهم ولا شراب. فإن الله عز وجل لجبت ست بوك اتتخيكون اتخيكون pour sa culture. النيل le Nil était un pays du bien. Et si Moussa était là pour prendre le pouvoir de Pharaon, il n'aurait qu'à revenir faire demi-tour et revenir en Égypte. Car il n'y avait plus personne qui allait lui faire face en retournant vers l'Égypte. Il aurait trouvé la situation tranquille. On lui aurait donné les clés de l'Égypte. Il serait assis sur le trône de l'Égypte. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait? Au lieu de ça, Moussa alayhi salam s'est dirigé vers Sina, vers un désert de montagnes arides. Il n'y a pas de culture, il n'y a pas d'eau. Allah subhanahu wa ta'ala les a comblés de son bienfait. Il leur a fait jaillir des sources d'eau, de la pierre. Et il leur a descendu des choses avec lesquelles ils se nourrissent des ciels. Parce qu'ils n'avaient ni nourriture, ni boisson. ثم بعد هذا اتجه الكليم الى بيت المقدس لانه لا يتحرك بوازع سياسي كما يفعل هؤلاء المخالفون لمنهج الانبياء الذين يصارعون اهل الدنيا على دنياهم ويصارعون اهل الكراسي على كراسيهم. Et après ça, موسى عليه الصلاه والسلام اكل الله سبحانه وتعالى parle qui est le kalim d'Allah s'est orienté directement vers Jérusalem. Parce qu'il ne bouge pas avec la politique. Ce n'est pas la politique qui le fait bouger. Mais ce sont les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala qui le font bouger. La politique ne fait bouger que ceux qui sont en divergence avec la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Ceux qui concurrencent les gens de la dunya pour leur dunya. Ceux qui concurrencent les gouverneurs pour leur poste. فهؤلاء الذين يصارعون أهل الكراسي على كراسيهم ثم إذا تخلص منهم أصحاب الكراسي صاحوا بأهل الظلم هؤلاء الحكام ظلمونا ولكن في الحقيقة هم الذين يستعدون هؤلاء عليهم. Donc c'est ceux-là qui concurrencent le contemporain هذو les poussins ديال الخوارج qui concurrencent les gouverneurs pour leur poste. Et quand les gouverneurs les mettent en prison, ils crient « Oh, au secours, l'injustice, ces gouverneurs sont injustes, ces gouverneurs sont injustes, ces tawarites sont injustes !» Mais en réalité, c'est eux qui les ont cherchés, c'est eux qui ont cherché leur haine, c'est eux qui voulaient leur poste. Au moins, ils n'ont fait que défendre leur poste. « فَالْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةَ الْإِسْلَامِ مَا كَانُوا يُنَازِعُونَ الْحُكَّامَ عَلَى كَرَاسِيهِمْ » وما كانوا دعاة سياسة إنما كانوا يدعون إلى التوحيد وينهون عن الشرك ومن أجل هذا وبيانه نتدارس هذا الكتاب المبارك للعلامة ربيع المدخلي حفظه الله تعالى حتى نتبصر في منهج الأنبياء وحتى تعلموا أن هؤلاء يكذبون على الشيخ ربيع في قولهم أنه يفصل بين الدين والدولة. في آخر هذا الكتاب عقد عنوانا خاصا للإمامة ونظرة العلماء الإسلام إلى الإمامة وأدلتهم على وجوبها ولكن على منهج السلف وهذا طبعا لا يعجب الحركيين يريدونها فوضى والشيخ سيبين لنا عواراهم وأنهم جعلوا الدولة والإمامة هي أصل الأصول يشابهون بذلك الروافض فالإمامة عند الروافد هي أصل الأصول ومن أين دخلت هذه على أولئك الحركيين من الروافض إلى المودود إلى سيد قطب إلى سرور فهذه السلسلة المظلمة عندهم فإن الله عز وجل لبروفيت الله ne sont pas venus n'étaient pas venus pour concurrencer le gouverneur sur leur poste ils n'étaient pas des prêcheurs politiques ni des leaders politiques. Mais ils appelaient vers l'accomplissement du monothéisme. Et ils interdisaient l'associationnisme. Et c'est pour ça que nous sommes en train d'étudier ce noble livre de son éminent Cheikh Rabi', qu'Allah subhanahu wa ta'ala le protège, pour avoir une clarté sur la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Et pour qu'on sache tous que ces activistes montent sur Cheikh Rabi', hafidhahullah ta'ala, quand ils disent qu'ils séparent la religion de l'État. À la fin de son livre, il y a tout un chapitre dont le titre est l'imama. Mais l'imama et le gouvernorat selon l'opinion des hommes de science dignes du nom et les preuves que ramènent les hommes de science dignes du nom. Mais sur la voie du puiseur d'Allah alayhim et non pas sur la voie des activistes. Et évidemment, cela ne plaît pas aux activistes parce qu'ils veulent l'anarchie. Ils veulent que la situation soit anarchique. Et Cheikh va nous montrer, plus on va avancer dans ce livre, plus que vous allez voir la nullité, il faut dans lequel ben ces activistes. Ils ont fait, et comme quoi ils ont fait que l'État et l'imama soient le fondement des fondements dans cette religion. Et ainsi, ils ressemblent à Rafida. Car l'imama, il est venu de qui? De Rafida. Et chez Rafida, l'imama, qui le gouvernera, c'est la base des bases. Et d'où est venue cette idée de l'imama, qui est devenu le hakimi après? Hein? D'où il est rentré chez ces activistes? Il leur est arrivé de Rawafid. Le Maududi l'a pris de Rawafid. Et Sayyid Qutb l'a pris de Maududi. Et Mohamed Sourour l'a pris de Sayyid Qutb. Et ainsi de suite. Vous voyez cette chaîne de transmission noire, comment il est? والأنبياء لما أرسلهم الله لأي شيء دعوا وعلى أي شيء ركزوا في حياتهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فهذا أصل الأصول في دعوة الأنبياء ما دعا الأنبياء إلى مركزية أو إقامة دولة أو إمامة وكان لبعض الأنبياء دولة وكان يستخدمها لإقامة التوحيد ونشر الدين ونصرته لأن هذا هو الغاية وهو الأساس ولكن هؤلاء الحركيين قلبوا الموازين وجعلوا الوسيلة غاية للبروفيت عليه الصلاة والسلام فخيرنا الله عز وجل الله سبحانه وتعالى les a envoyés pourquoi et sur quoi ils ont basé leur droit toute leur vie l'ont basé sur pour appeler vers le monothéisme et blâmer l'associationnisme et interdire l'associationnisme. Chaque prophète a dit au peuple, adorez Allah, vous n'avez d'autre digne d'être adoré que lui. Et ça c'est la base des bases et le pivot principal et le pilier principal dans la da'wa de tous les prophètes alayhi salatu wassalam. Aucun prophète n'a appelé vers un centre, ou vers hein, à fonder un centre ou à accomplir un état ou là vers le fait de prendre le pouvoir ou autre. Mais tous les prophètes, et certains prophètes comme, hein, comme Suleyman, il a vu un énorme royaume que personne ne peut avoir après lui. Et il utilisait ce royaume, ce pouvoir pour accomplir le monothéisme, et pour propager le monothéisme, et pour propager la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et pour faire triompher la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Car ça c'est la base des bases, et c'est le but principal. Mais ces activistes ont changé les choses. Ils ont renversé les situations. Ils ont fait du moyen le but. Et le but, ils l'ont rendu un moyen. Vous voyez un petit peu. ولذلك جمعت الإخوة المفلسون ومن تفرغ عنهم إنما يدورون في هذا الفلك الوصول إلى السلطة الوصول إلى الإمامة أو قيام الدولة ولا يهتمون بعقيدة ولا توحيد ولذلك تراهم يجمعون في صفوفهم كل من هب ودب ولم يكن الأنبياء كذلك بل الأنبياء كانوا يهتمون بالتوحيد والعقيدة يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فهل الحركيون يفعلون ذلك ها هي دعواتهم أمامكم ها هي مواقعهم كم لهم من محاضرات في التوحيد والعقيدة أو في شروح كتب التوحيد والعقيدة فهنا الله عز وجل c'est pour ça que les إخوان المفلسون et tous les groupes qui ont découlé de ce groupe et qui sont sortis de son giron, ils tournent autour d'un seul point, le gouvernera, l'accomplissement d'un état, le faire retourner la khilafa, etc. Mais ils ne s'occupent pas de l'aqida, ni du monothéisme. C'est pour ça que tu vois dans leur rang, tu trouves tout le monde. Tu trouves le rafidi, le chi'i, celui qui a une aqida, celui qui ne l'a pas, celui qui adore les tombes, à tout. Et les prophètes d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ils n'étaient pas ainsi. Ils s'occupaient du monothéisme avant tout. Et des croyances avant tout. Ô peuple adoré Allah, vous n'avez d'autre digne d'être adoré que lui. Est-ce que les activistes maintenant, ils font ainsi dans leur da'wah? Vous avez leur da'wah devant vous. Voici leur site devant vous. Combien de conférences ils ont dans le monothéisme? Combien de conférences sur l'aqidah? Combien d'interprétations des livres d'Yal Tawhid et d'Yal Aqidah ils ont? فَلِذَلِكَ إِخْوَةَ الْإِسْلَامِ هُمْ حَرْبٌ عَلَى الشَّيْخَ رَبِيعِ لِأَنَّهُ وَعَلَى المشايخ الذين هم على منهج الشيخ ربيع لأنهم لا يجارونهم في مخالفة منهج الأنبياء ولا يجارونهم في اعتبار الإمامة والزعامة أصل الأصول ومسألة المسائل C'est pour ça ces activistes, frère en Allah, عز وجل, font une grande guerre contre le Cheikh Rabi' contre tous les hommes de science qui suivent, qui sont sur la même ligne, la ligne que Cheikh Rabi', comme Cheikh Zayd bin Hadi al-Madkhali, et Cheikh Ubaid, et Cheikh Abdallah al-Bukhari, et Cheikh al-Najmi, et tous les grands machayikh de cette da'wa salafia. Pourquoi ils leur font la guerre? Parce qu'ils ne vont pas dans leur sens. Ils ne vont pas dans le sens dans lequel vont ces activistes, qui est le sens, un sens qui est en divergence avec la voix du prophète, alayhi salam. Ils ne vont pas dans le sens où ces activistes considèrent que le gouvernorat est arrivé au pouvoir, c'est la base des bases. Et puisqu'ils ne vont pas dans ce sens-là, ces hommes de science, ils leur font la guerre, ils les dénigrent, ils les insultent, ils les traitent de tous les noms, sallallahu subhanahu wa ta'ala. Et pour certains, ils le rendent même mécréant, sallallahu subhanahu wa ta'ala, salam wa l'afiyah. ففي هذه المقدمة كتب الشيخ كما سترون ما سيكشف لنا خبايا هؤلاء الحركيين وغلوهم في الإمامة الذي دفعهم للارتماء في أحضان الروافد الذين سبوا عظماء هذا الدين وكفروهم إلا قليلا منهم. Donc dans cette introduction que nous n'avons pas encore terminée, Cheikh Rabi' va nous éclairer sur les coins et les recoins de ces activistes et sur leur voie extrémiste dans le gouvernorat, qui les a poussés à tomber dans les gérants d'Al-Rawafid, qui ont insulté les géants de cette religion, qui sont les compagnons de Mohammed alayhi sallam. Ils les ont rendus mécréants. Ces Rawafid ont rendu les compagnons de Mohammed alayhi sallam mécréants, sauf un certain nombre qu'on peut compter sur les doigts de la main. وأنت ترى الآن علانية زيارة رموز الحركة الإسلامية كما يقال للرافضة ومجالستهم والدعوة إلى التقريب بينهم. وبما أن الشيخ ربيع لا يجاريهم في هذا الباطل رموه بالعلمانية بأنه يفصل الدين عن الدولة. سبحانك هذا إفك عظيم. Et tu vois maintenant en public les visites que font les emblèmes et les têtes d'affiche de l'activité musulmane, comme ils disent, l'Haraka al-Islamia, leur visite à Rafida, et le fait de s'asseoir avec eux, de faire des tables rondes avec eux, et d'essayer de faire des da'wats pour le rapprochement. Et Cheikh Rabi, il ne va pas dans ce sens-là. Il va pas, il n'est pas d'accord avec eux sur ce nul, ils sont faux. C'est pour ça qu'ils l'ont traité d'être laïque. Comme quoi, il sépare la religion de l'État. Et ceci est un énorme mensonge. Vous ne voyez pas l'appel que le fait le Qardawi au rapprochement entre Shia et Rafida et Al-Sunna, comme l'a fait son Sheikh avant, Al-Ghazali et autres, et comme fait Swidan et autres. Et la liste est longue. وفي نفس المقدمة يبين لنا الشيخ ربيع الفرق بين الدولة وحاكمية الله. وما هي الدولة؟ فالدولة المؤمنة لا تعدو أن تكون وسيلة لتنفيذ شرع الله عز وجل والقيام بأمره والدفاع عن دينه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Et dans la même introduction, Cheikh Rabi auparavant nous a éclairé sur ce que c'est que l'État et la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, la différence qu'il y a entre le jugement d'Allah et l'État. L'État islamique n'est qu'un moyen pour accomplir la législation d'Allah Azza wa Jal et pour défendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour ordonner le bien et blâmer le mal et faire la da'wa vers cette religion. Donc c'est un moyen tout simplement. فَالدَّوْلَةُ وَسِيلَةُ وَالْغَايَةُ هِيَ إِقَامَةُ الدِّينِ فَمَاذَا تَقُولُونَ فِي مَنْ يَشْتَغِلُ بِالْوَسِيلَةُ وَيُضَيِّعُ الْغَايَةُ إِخْوَةَ الْإِسْلَامِ. Donc l'État c'est un moyen. Et le but, c'est l'accomplissement de la religion. Qu'est-ce que vous dites maintenant de celui qui se préoccupe du moyen et qui laisse tomber le but? Qu'est-ce que vous dites de lui? Al-Hada maslak al-anbiya ikhwat al-islam. فمن هنا تعلم انحراف هؤلاء الحركيين من إخوان وياسنية وسرورية وطلائعية ورم وبما أنهم جعلوا الوسيلة غاية فإنهم يقدمون التنازلات ويداهنون في دين الله مؤتمرات تقارب بين الأديان وبين الشيعة وبهذا يضيعون أمر الله من أجل هذه الوسيلة والوصول إليها. Et donc l'État, frère en Allah, azzawajal, ce n'est qu'un moyen. Le but, c'est d'accomplir la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que vous dites que de celui qui se préoccupe du moyen et qui néglige le but? Est-ce que ça, c'est la voie du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam? Ça, c'est la voie des messagers d'Allah? Partons de là. Tu sais, la déviation dans laquelle sont ces activistes, que ce soit l'Ikhwa al-Muflisoun, ou la Yassinite, ou la les Sororites, ou la les Talaites, ou la les Qutbites, tous, ils ont tous fait du moyen un but. Et c'est pour ça que, ils laissent certaines parties de la religion. Ils vont, dans le sens des groupes avec lesquels ils veulent se rapprocher. Bah, tu les vois dans les congrès, le congrès pour le rapprochement des religions, le congrès pour le rapprochement du Shia et Sunna. Et ainsi, ils négligent les ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour ce moyen qui est le fait d'arriver au pouvoir. Arriver au pouvoir, et pour cela, ils négligent beaucoup des ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le principe, et l'une des règles principales, qui est le wala ou le bara, l'alliance ou le désaveu. L'alliance se fait pour Allah, et le désaveu se fait pour Allah, et l'alliance se fait pour la voix de notre prophète, et de ses nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. Et le désaveu se fait pour cette même voie. Et regardez quand on fait les congrès de rapprochement entre les religions, là, le rapprochement entre Shia et Sunna. Regardez ce qu'on néglige dans ces cas-là. Subhanallah. وكذلك في هذه المقدمة كما سنراه سيبين لنا وينبهنا الشيخ عن خطأ وقع فيه البرقاوي أي المقدسي هذا حيث لم يحسن المحاكمة بين الشيخ ربيع والمودودي فالمودودي وقع فيه أخطاء نبه عليها الشيخ ربيع وجاء هذا البرقاوي ولم يحرر موضع الخلاف لكي يفيد القارئ وتهجم بدون علم ولا فهم على الشيخ ربيع كما ستراه وستسمعه من الشيخ في هذه المقدمة في نقاش علمي يطالب من هذا البرقاوي بالأدلة وانظر بارك الله وسترى بارك الله فيك كيف سنستفيد نحن من هذا النقاش العلمي المدعم بالأدلة حتى من علمائنا حفظهم الله تعالى حتى في رديم على المخالفين بخلاف هؤلاء تسمعهم عندما ينتقدون من أنت وأنا الدكتور وأنا فلان الذي شرحت كتاب التوحيد وشرحت الواسطية في 80 مجلسا وأنا درست وكتبت وشرحت وحفظت أين الإخلاص أين التواضع أين العمل لله سبحانه وتعالى. Dans cette introduction, frère en Allah, Azzawajal, comme tu vas le voir, Cheikh va attirer notre attention sur les erreurs dans lesquelles est tombé le Barqawi, alias al-Maqdisi, celui qui est l'un des grands leaders d'El Tkfir. Contemporain, car al-Maqdisi, hala, n'a pas jugé entre Cheikh Rabi' et le Maududi. Le Maududi est tombé dans des erreurs énormes. Comme tu vas les entendre dans l'introduction d'El Cheikh Rabi', il m'a dit ici Hada qui n'a pas su mettre le point sur le point de divergence pour que sa critique soit profitable pour celui qui lit son livre. Il n'a fait tout simplement qu'attaquer Cheikh Rabi' sans science et sans compréhension. Comme tu vas l'entendre dans cette introduction. Et Cheikh Rabi' va faire un débat scientifique avec le Maqdisi dans cette introduction où il lui demande de ramener les preuves. Et tu vas voir, frère en Allah, Azzawajal, comment nous, on va profiter de ce débat scientifique de la part de Cheikh Rabi', ce débat qui est accompagné de preuves irréfutables. Donc, dans les répliques de nos hommes de science, on profite de beaucoup de choses, leur calme, leur comportement, et les preuves qu'ils ramènent, ils attirent notre attention pour anéantir les ambiguïtés qui peuvent se retrouver sur notre chemin. Mais ceux-là, qui sont en divergence avec la voix du puiseur d'Allah, quand ils sont critiqués, tu les entends. Moi, docteur tel, j'ai expliqué tel livre. Dans ma mosquée, j'ai fait 80 assises, j'ai expliqué Kitab Touhid ou l'Aqida al-Wasitiya. J'ai étudié, j'ai enseigné, j'ai écrit, j'ai expliqué, etc. Et j'ai mémorisé et ainsi de suite. Où est la sincérité dans ce cas-là? Où est la modestie? Subhanallah. فنسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفهم السديد ونسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا وأن يختم لنا على منهج سلفنا الصالح رضوان الله عليهم ويكون هذا موقفنا اليوم إن شاء الله وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم وجزاكم الله خيرا.